l'amertume, une joie que de peine. J'ai vécu sur le bitume et allé à la peine. Trop de proches partis, trop de chiens restent. Et même les poches remplies, j'ai pas le goût à la fête. Je me défonce plus comme avant, mais finalement je suis pas meilleur. Je suis plus lucide, ce qui me permet d'apprécier mieux mes erreurs. J'ai ingurgité tellement de bière et de whisky, comme une haleine à garder l'odeur. Des fois je sais pas si c'est le foie qui saigne ou si c'est le cœur. Quand le passé reste accroché à mon place comme un Rottweiler. Je me sens bien à la salle quand je frappe le sac pendant des heures. Je me sens bien sur la scène quand sur l'instru j'étale ma rancœur. Ou quand je suis au lit avec une meuf qu'elle me dit qu'elle veut ça toujours, que je suis le seul qui lui fait ça. Des mensonges et quelques détours. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De toute façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De toute façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre à part aller dans le sens des affaires? Qu'est-ce qu'une personne censée faire d'autre sans pour autant lâcher l'affaire? Y'a peu de chance pour que je m'améliore, pour que je devienne meilleur. Il faut qu'on me donne le code pour que je démarre, pour que j'arrive à l'heure. Même si j'ai pris un mauvais départ, pas question de faire demi-tour. Je tourne la page chaque jour, me lève avec le poids de la veille. Hier ou demain, souvent c'est pareil, les changements sont minimes. On se prend la tête sérieux pour entasser les centimes. Avec ce sentiment de haine envers les mauvais payeurs qui jouent les players. Et bouge à la playa avec mon pognon, je l'ai droit en travers de la gorge. Je jure qu'il y en a qui vont se faire plier. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Façon si gris, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. Si je suis arrivé au point non retour, c'est que j'ai pris trop de retard. Contrat précaire à 25 ans, toujours chez les remparts. Remarque, c'est toujours mieux de se marier à 20 piges pour divorcer 4 ans plus tard. Avec des raisonnements comme ça, je me dis que j'ai pas tort. Et quand j'arrête de raisonner, je passe mes nerfs sur quelques bâtards. Ma vie, une page blanche, 4 phrases, 60 ratures. Un son mélancolique, louche pour prendre la température. Je me dis tant pis si les choses empirent. Toute façon, c'est le destin, j'ai plus rien, je peux pas m'enfuir. J'essaie de construire l'avenir sur un passé qui pue la merde à vrai dire. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De toute façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. De toute façon c'est grillé, la suite je la connais par cœur. La mélodie est triste, le son est brut comme mon parcours. Crier, je suis arrivé au point non retour.